tous les vendredis dès 18h, Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent, bonjour Benoît. Bonjour Sylvain. Et on lance un bonjour à Manon qui n'est pas là mais qui a bossé. Comme d'habitude, vous aurez le C'est Actu, vous aurez le rétroviseur, le Manon Série Quiz. Et attention, c'est un événement. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle chronique qui débarque. Je ne vous en dis pas plus, c'est un secret. Et c'est aussi un clin d'œil à une série, une de mes séries chouchou. Voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est entièrement piloté par Sylvain. Donc, on reste dans le domaine des séries avec une ouverture, à mon avis, qui fera date dans l'histoire de Destination Série. Bien sûr, nous aurons le mur des hits. Le mur des hits, attention! Je tiens à préciser une chose, c'est que le mur des hits revient à 7 cases. C'est bien. J'attendais un commentaire. C'est bien. Non, mais c'est bien. Je dis, c'est bien. Voilà, c'est moi, bien. Je m'habitue à rien. On passe de 4 à 22. Alors je sauf sais plus, que je vais non, vous la norme, c'est 7. Voilà, sauf que je vais vous distribuer des dés. Et celui qui aura le plus de points, celui qui se rapprochera le plus du 6, pourra choisir la lettre D ou la lettre M. Et celui qui aura le plaisir de sélectionner la lettre, c'est lui qui sélectionnera l'artiste qui sera dans le mur des hits. Et bien sûr, l'artiste commencera par un D ou par un M, mais ça, on en reparlera dans l'émission plus tard. Je pense que le virus l'a vraiment atteint. Et tout de suite. Il va falloir faire quelque chose. On a perdu le contrôle, je pense. Il a complètement perdu le contrôle. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. J'ai pensé à ça sur la route. Je me suis dit, ça serait trop bien. Je me dépêche. Voici. Il est 18h, il doit avoir au moins 39. Hein. Voici le 7 Actu. 7 Actu avec Laurent et Benoît. Et on commence le 7 Actu avec une disparition. La disparition d'un acteur inoubliable. Oui, et je ne sais pas si vous avez entendu des échos sur cette disparition, mais franchement, c'est samedi.fr, moi, qui me l'a appris. Ha, c'est un sacré site, ça. Hein, bah oui, non, mais sincèrement, je n'ai, pas, je n'ai eu aucune alerte. Ah bon, et pourtant, bah non, je n'ai pas eu d'alerte, alors que bon, j'ai eu des alertes pour Yves Boisset, par exemple, qui nous a aussi quittés. Val Kilmer. Et Val Kilmer également, oui, voilà, pour ne citer que. Mais pas eu d'alerte sur Richard Chamberlain, et donc, puisque c'est de lui dont il s'agit. Malheureusement. Qu'on ne peut pas oublier, tant il a marqué toute une époque avec cette série Les oiseaux se cachent pour mourir. Voilà, où jouait le rôle d'un prêtre qui allait effectivement mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de sa vie suite à une rencontre, la charmante Rachel Ward qui jouait le rôle titre avec lui. On a la bande-annonce. Venue de l'Australie mal connue des années 1900, une saga turbulente qui traverse les décennies. D'après le best-seller de Colin McCullough, Les oiseaux se cachent pour mourir. Je n'aurai jamais ce que je veux. C'est l'histoire d'un prêtre poussé par l'ambition. Et je ne serai jamais ce que je veux être. Torturé par le désir. Et je ne sais pas ce qu'il me faut faire. Pour le chasser. Bonjour, je suis le père de Bricassard. Vous êtes le frère de Mary Carson, j'imagine. Oui, en effet, mon père. À la minute même où il la vit, il comprit. Et toi, qui es-tu? Je suis Maggie. Qu'il l'aimerait toujours. À la santé de Mary Carson. La femme la plus riche et la plus solitaire d'Australie. Tue-les, Franck! Vous êtes le plus bel homme que j'ai jamais vu, Ralph de Bricassard. Je croyais que c'était mon âme qui vous intéressait, Mary. Pourquoi me bouleverses-tu à ce point? Pourquoi remplis-tu cet espace que Dieu ne peut combler? Lorsque je t'ai vue, quand tu étais toute petite, tu aurais pu être mon enfant à moi, mon enfant. Je peux être à toi maintenant. Tu peux m'épouser. Sachez-le, curé, j'ai choisi de vous détourner de votre chemin. Oh, je sais que j'irai en enfer pour cela. Mais ça n'est rien à côté de l'enfer que je prépare pour vous. Au cours des années qui suivirent, personne ne put toucher le cœur de Maggie, sauf un vagabond, Luke O'Neill. Seigneur, ce que tu peux être belle, épouse-moi, Maggie. Une histoire qui vous fera parcourir le monde, du Vatican à la lointaine Australie, des îles grecques à Londres. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour chasser cette femme de mon cœur. Une saga qui se déroule sur un demi-siècle, pendant trois générations. Avec Richard Kiley, Gene Simmons, Ken Howard, Mae Whittingham, Philip Anglim, Christopher Plummer, Brian Brown, Barbara Stanwyck, Rachel Ward et Richard Chamberlain. Un amour inaccessible, à jamais interdit. Les oiseaux se cachent pour mourir. Ce feuilleton a été un véritable carton dans les années 80. Les audiences ont été folles. Mmh. Il a été de nombreuses fois rediffusé. Et c'est vrai que Richard Chamberlain, il avait le charisme. Exactement. Il avait la gueule de l'emploi. C'était un excellent acteur qui avait commencé très jeune avec le succès, puisque dans les années 60 aux États-Unis, il est le docteur Kildare. Après, il fait plusieurs participations de téléfilms. Il est aussi du côté du cinéma avec Alan Quaterman. Et il rencontre un méga succès avec Les Oiseaux se cachent pour mourir. Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête. Et peut-être que le Mur des Hits nous donnera cette chance tout à l'heure. Je voudrais qu'on s'arrête sur une série qui a été diffusée une seule fois un été et qui n'a jamais été rediffusée réellement sur une grande chaîne. Alors, peut-être que sur le satellite, elle a eu le droit à un deuxième passage. C'est la fameuse série Shogun. Un navigateur anglais, il atterrit au Japon à l'époque des samouraïs, et ça c'est une série aussi qui a eu son petit succès, exact. Qui a été diffusée sur TF1 en été 87-88, je ne me rappelle plus, mais qui a eu un beau succès à l'international. C'est un grand acteur qui nous a quittés. Exactement. Personnellement, c'est ma Madeleine de Proust, Shogun, parce que j'ai baigné là-dedans dans ma jeunesse. J'ai retenu Shogun, bizarrement. Et puis Alan Quatermain, obligé. Voilà, c'était un peu la copie de Indiana Jones. Exactement. Shogun n'a jamais été rediffusé. Alors moi, je... Oui, c'est vrai que c'est incroyable. Franchement... Parce que ça a marqué, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on a vu et revu. Est-ce qu'on a envie de le revoir? C'est la bonne question. Après, c'est ça, c'est souvent... On a un souvenir imaginaire, idyllique, donc... Je pense qu'elle a bien vieilli. Puisqu'on est au temps des samouraïs, on n'a pas de repères temporels avec la technologie, je pense que c'est encore une série qui pourrait être diffusée tranquillement. Nous avons, alors on en a un peu parlé la semaine dernière dans Destination Série, on a enfin la confirmation du tournage de nouveaux épisodes pour... Messieurs Parizo. Puisque toi, Benoît, samedi dernier, tu nous as parlé de l'épisode 3 qui est en train d'être tourné à Nancy, oui. Ou qui a été finalisé... Il y a encore, hein, je crois qu'ils n'ont pas terminé la cure. Ils n'ont pas fini, hein. Non, ils n'ont pas encore fini. Mais Patrick Parrou, si vous nous écoutez, monsieur Parrou, la porte est grande ouverte. Ah, tu sais quoi? Alors, Corinne, si vous écoutez aussi. Corinne aussi, on a invité Corinne Touzet la semaine dernière. Corinne Touzet, Patrick Parrou, rendons hommage à monsieur Parrou, parce qu'on l'appelle monsieur Parrou, mais il faut dire que derrière monsieur Parrou, il y a quand même Patrick Parrou. On n'en parle pas maintenant, on en parlera au moment des audiences, mais on va commenter le deuxième épisode. Mais là, ce que je trouve important, c'est de dire que un 4 est déjà en écriture. D'accord, donc le 3, ce sera celui donc tourné à Nancy actuellement, et il y en aura encore un quatrième, et c'est tant mieux. Juste une dernière anecdote, excusez-moi Benoît et Laurent, je suis presque sûr d'avoir croisé Patrick Parrou à Nancy, mais le temps de réagir et d'aller vers lui, j'ai préféré ne pas être ridicule. Mais j'étais presque sûr de l'avoir vu. Mais il n'était pas en vélo. c'est ça qui était perturbant. Bah oui, à pied, c'est bizarre. Oui. Parce que pour moi, si je le croise à pied, ça va me paraître bizarre. Mais il est où votre vélo? Et Corinne Touzet, alors elle, même à pied, en vélo, en avion, c'est pas possible. On a déjà une date et on s'en serait bien passé. On parle de quoi? C'est la troisième info, partant du bas. Oui, oui. Léo Mattei, bien sûr. Oui, certainement. Oui, Léo Mattei reviendra avec, pour la saison 12 avec Natacha Saint-Pierre, en plus, hein, celle qui a gagné Danse avec les Stars l'année dernière. Et la date c'est le 24 avril, Benoît. 24 avril, voilà, je cherchais. 24 ouais. avril, c'est tout en bas. On va plutôt partir du côté de Nathan Fillion, qui fait de nouveau parler de lui. Alors les fans vont être heureux. Ouais, Nathan Fillion, c'était... Castle, voilà. Depuis, bah, il avait fait Rocky aussi, hein. Oui, le boxeur, hein. non. C'était le mec en reconversion qui devenait policier à Los Angeles. Ouais, et le voilà dans une nouvelle série, et ça s'appelle Un Toit pour Trois. Alors on avait connu pour deux, maintenant il y a peut-être un cousin qui arrive. Ouais, donc reprendra et après le film Superman de James Gunn, Nathan Fillion, qui va donc jouer dans Superman, reprendra son rôle de Guy Gardner dans la série The Lantern aussi, qui sera diffusée sur Max. Donc trois nouvelles intéressantes sur Nathan Fillion, une nouvelle série Un Toit pour Trois, et donc un film et une autre série qui sera diffusée sur Max. Alors c'est pas... Sur Max, Max. Oui. Alors, c'est pas noté dans le tableau, mais sachez que l'avant-dernière info du 7 Actu, c'est une alerte Benjamin. Alors, j'ai eu des directives, hein. Faut pas trop s'éterniser sur le fait que c'est une alerte Benjamin, mais faut quand même le signaler, c'est une info que Benjamin, c'est un de mes collègues, et lui aussi, il est calé en série, et il me trouve des scoops, et c'est lui qui m'a trouvé ce scoop. On a une série américaine qui va aller jusqu'à la saison... 40, comme les 40 ans de la radio. Mais là, en plus, ils en sont à 36. Ils viennent de choper 4 saisons supplémentaires. C'est incroyable. C'est incroyable. Et bien sûr, il faut la citer parce qu'on l'a toujours pas dit. C'est oui. Les Simpsons, le voilà. Dessin animé oui. Bien connu. Oui. Restons précis. Renouvelé par la Fox. Exactement. C'est quand même une alerte Benjamin. Et si on cite pas la série qu'il a dégotée, enfin l'info sur laquelle on s'appuie, ce ne serait pas complet. Et on termine. Avec un flashback. Oui, alors enfin, c'était hier soir la nouveauté de TF1 avec un grand coup d'affiche publicitaire. Flashback et donc une question qu'on peut se poser. Oui, pourquoi en 1994 pourquoi on est à 1994 Et est-ce qu'on a la réponse, hein? Oui, on a la réponse. On a la réponse. C'est la réponse du côté juridique. Ouais, elle allait être diffusée en 2024, donc il fallait effectivement 30 ans d'écart, c'est ça? Prescription c'est ça. Pour la prescription. Il y a prescription pour oui. La prescription. C'est ça. Avec tout ce qui se passe dedans. C'est vrai qu'il parle mais de la musique, il y a plein d'anecdotes, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. Par contre, il va falloir qu'il nous explique... comment ils arrivent à passer à revenir dans le passé. Pour l'instant c'est assez flou, on va dire. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la montre, de la pendule, enfin de la montre. Il y a le couteau aussi. Voilà, c'est ça, hein? Le couteau. Le couteau. Ouais. Est-ce qu'on aura une explication? Parce que là, moi, là, j'aime bien. Je suis assez cartésien. Hein. Alors, faut qu'on me trouve une explication que je puisse comprendre. Bon, c'est de la science-fiction quand même, hein, évidemment. Mais on va voir comment ils vont retomber sur leurs pattes. Alors moi, j'ai bien apprécié La Porte des Étoiles, Stargate SG-1, puisque oui. Là, on t'expliquait des voilà. Fois que tu remontais le temps à cause que le faisceau de la porte passait dans un soleil. Voilà, t'avais une explication. Oui, oui. Là, elle reçoit un coup de poignard, elle repart dans le passé. Alors, la seule chose, c'est que... Elle a même plus le poignard. Elle aurait encore... Elle serait retrouvée avec un poignard, machin, mais là, non, elle a rien du tout. Donc, ça me ramène à un état de coma... Ou tellement marqué par le départ de son père, pour la protéger par rapport aux problèmes de santé qu'elle est en train de subir, son cerveau la déconnecte et la met dans une réalité pour la protéger. Peut-être, oui, ça serait plausible. Est-ce que c'est ça? On verra au cours des épisodes, sans doute. Alors, je ne sais pas, Laurent, si tu as remarqué, mais ça m'a rappelé énormément une autre série anglaise, cette fois-ci, qui était Life on Mars. Ah oui. Oui. Et c'était aussi un policier qui était blessé et qui se retrouvait 30 ans en arrière dans le même commissariat. Donc, s'il y a un écho de scénariste là qui est fait. Et dans la série là, l'explication c'était quoi? Eh bien, il était à l'hôpital en coma et il imaginait voilà. Toute cette vie parallèle. Donc, je pense ouais. Qu'on part dans le même schéma. Ça sent la même chose. Ça sent la même chose. Et donc, grâce à cet état-là comateux, peut-être qu'elle va arriver jusqu'au moment où elle va découvrir qui s'en est pris à son père. Alors, comment son cerveau pourrait lui donner les indices? Peut-être qu'en étant gamine, elle a vu quelque chose que son cerveau a effacé, et grâce à ce coma, bah, ça va lui être révélé. En tout cas, voilà. Le casting, il est top. On a passé une très très bonne soirée hier soir. Est-ce que les audiences étaient là? Nous le saurons dans quelques instants. Grâce au rétroviseur 2.0. Yes. Ainsi s'achève cette actu. Et maintenant, mesdames, messieurs, il est temps pour moi de vous passer les dés. Et vous allez donc sélectionner la lettre D ou la lettre M. Pour savoir si on est du côté de Dieter ou de Modern Talking. Non, non, ça va pas continuer. C'était ça, ma vanne. Non, on tourne en boucle, là. Donc, nous avons 7 cases. Oui. Donc, il faut choisir parmi les 7 cases. Qui commence? Eh ben, le 6. Encore? Le 6? T'es sur le 6? Bah oui, mais... T'es un génie! Non mais je... Tu es un génie! Je ne sais pas, parce que si, tu me dis que c'est... Si, Benoît, tu, Benoît, tu es un génie. Benoît, donc, tu es un génie. Comme je sais que... Tu es un génie, Benoît. Benoît, alors je mets le jingle parce que c'est un génie. Il faut le jingle. Je suis fatigué. Et attention, je fais l'ouverture de case. Et Benoît est un génie. Puisque la case 6, mesdames, messieurs, c'est une chanson. Ah bah tiens, ah bah c'est quel scoop. Bah, wow. Mais attends Benoît, tu vas tout comprendre. Ça peut être un sketch. Non, c'est pas un sketch. Parce que malgré... Temps, il sait que tu choisis toujours la case 6, donc non, il l'a préparé. Oui, mais il m'a dit que il peut pas préparer d'avance. Comme je garde tout secret, enfin j'essaye de garder tout secret, donc j'aimerais retrouver... ma chanson, elle est là. Donc, la case que tu as choisie, c'est une chanson qui est sortie en 1994. Ah, l'année de Flashback. Dance. Les Ace of Base dans Destination Série avec Happy Nation. Happy Nation qui a été numéro 1 en son temps dans le Hot 40. Là maintenant, dans Destination Série, on enchaîne avec, je pense, dans l'histoire des jingles chroniques. Voilà, celle-ci, elle va rester dans les annales. Écoutez bien ce lancement. C'est à tomber. La chronique peut être pourrie derrière, je m'en fous. Au moins, j'ai un truc d'ouverture, mais qui est dantesque. C'est un plaisir, c'est cultissime. Alors la nouvelle chronique s'appelle « Secrètement vôtre ». Et elle est entièrement pilotée par Sylvain, avec les prestations, les petits plus du maître des séries, qui lui est aux aguets, et il va guetter pour savoir s'il peut apporter sa science. Ah non, non, non, le mur dit, non, non, non, c'est pas maintenant. Hein. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô? Oui, j'écoute. Que fait-on? Il faut avoir l'air naturel. Chut, pas de bruit. T'es prêt? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas, c'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. On pourrait la remettre ou pas? Non, on n'a pas le temps. La semaine prochaine, j'en reviendrai s'il faut la remettre. On me dit qu'on n'a pas le temps. Donc la première info, Sylvain. Alors, déjà, bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Merci aussi à Laurent de me faire une petite place. Et ce nouveau rendez-vous, comme vous l'avez compris, est dédié aux secrets de tournage et anecdotes en général, sur les séries bien sûr. Alors non, je ne vais pas faire comme Benoît la semaine dernière et vous parler de la boisson Cool Head que Seth Rogen essaye de refourguer à Scorsese dans The Studio. Je ne vais pas non plus parler de Monsieur Parisot, dont Laurent est fan. Je pense qu'il est encore en cure à Nancy Thermal. Ici, on va lever le voile sur les petits détails cachés, les clins d'œil et les dessous des séries. Bref, tout ce que vous n'avez peut-être pas remarqué. Ok. Alors, on va commencer avec une première série. D'abord, je voudrais remercier Cécile pour la reco. C'est la série 37 secondes qui est passée sur Arte. Alors, elle est passée en face de Flashback, pas de chance. C'était peut-être un peu difficile pour elle. Et j'ai un gros coup de cœur, en fait, pour cette série, parce que ça reflète une page de notre histoire sur un bateau, en fait, un chalutier. Et pourquoi 37 secondes? Eh bien, en fait, c'est le temps qu'a mis le chalutier breton, le Boucalet de Bresse, pour sombrer. Alors, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une collision avec un sous-marin? Un mystère encore non élucidé, en tout cas officiellement. Et la série, elle creuse ce drame justement qui est réel. Hein, c'est des vrais faits avec des vrais. L'endroit est même filmé. Enfin, c'est filmé au même endroit que l'histoire de l'époque. Et bien sûr, il y a les secrets d'État, du silence au niveau des armées, enfin des complots. Tout ça est intéressant parce que je n'avais pas cet éclairage aussi grand. Mais surtout, je pense que pour cette série, ce que j'ai retenu, c'est surtout Nina Meurice, qui est en fait une actrice que je trouve exceptionnelle. Elle joue le rôle de Marie Madec, qui est en fait la porte-parole, enfin la porte-voix plutôt des familles qui sont en quête de vérité. Et même, il faut préciser que cette série, 37 secondes, a été pré-achetée par HBO, la chaîne américaine. Ce qui est quand même un exploit pour une série française avant même de la diffuser. Enfin, je trouve ça assez fou. Mais bref. C'est vraiment une série, c'est pas un docu. Alors, réalité. Non, c'est une série en 6 épisodes, si je ne me trompe pas. Et justement, ça reprend l'accident au départ jusqu'au dénouement final. Bon, l'histoire finit par un non-lieu, c'est officiel d'un point de vue juridique, mais on a tout le cheminement de l'enquête et c'est vraiment très intéressant d'un point de vue historique en tout cas. Donc là, tu es en train de nous dire qu'il faut aller sur Arte.tv. Alors oui, Arte, justement, il nous donne tous les épisodes à l'avance. Donc même si c'était les premiers épisodes hier, vous pouvez faire une séance de rattrapage et regarder en entier cette série qui est très bien. Ça, c'était donc 37 secondes. Alors moi aussi, je vais parler de Flashback, dans justement ces petits secrets des séries, parce que dans Flashback, il y a plusieurs choses en fait qui pointent le bout de leur nez. Il n'y a pas que l'histoire de la prescription. Alors, la prescription, on va dire, c'est un prétexte juste sur les dates. Par contre, le réalisateur donc, de la série, c'est Vincent Jamin, et il glisse des références à l'univers de son père. Est-ce que tu le savais, ça, Laurent? Non. Ou Benoît? Non. En fait, son père, c'est Patrick Jamin. Et il a signé une trentaine d'épisodes de Navarro. C'est pour ça qu'on voit les flics regarder Navarro au début du premier épisode. Et ils vont aussi, dans leur QG préféré, donc le bar où ils vont, ils servent de la blanquette de veau, comme dans Navarro. En fait, il a placé un hommage à son père. Fallait le voir. Évidemment, il faut être fan. Alors, peut-être de Navarro aussi. Sans rajouter, il y avait quelque chose. Je me dis, mais ça me rappelle quelque chose. Oui, un goût de déjà vu. Oui, et c'est surtout l'insistance, parce qu'il y a deux, trois fois, on parle de la blanquette de veau. Oui, c'est mais pas moi, comme si... Je me dis, pourquoi la blanquette de veau? Moi, j'ai regardé Navarro. Je garde une affection particulière pour Roger Hanin. C'était là au café de Ginou qui mangeait la blanquette de veau. Avec Catherine Allégret. Exact. Mais la blanquette de veau, je n'avais pas imprimé. Et je pensais à Colombo. C'est pour ça que je suis là. À un moment donné, j'ai pensé à Colombo avec son chili. Je me dis, mais pourquoi qu'il revienne sans arrêt sur la blanquette de veau? Voilà l'explication. Bah, c'est vrai que c'est pas très à propos. On voyait ça débarquer de nulle part. Et effectivement, il y avait une raison. C'est simplement parce que le réalisateur faisait un hommage à son père. Ok. Et une série historique. Le père avait fait quand même une trentaine d'épisodes de Navarro. Donc, c'est pas débutant. Navarro, gros carton de TF1. Hein. Un épisode de Navarro, Benoît... C'était 8-10 millions. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y avait que 2-3 chaînes non plus. Il n'y avait pas autant que ça non plus. Bah, on en avait 6. 6, oui, voilà, 6, hein, oui. Maintenant, on est la moitié. Alors, dernière chose sur Flashback avant d'enchaîner. En Flashback, les 10 premières secondes, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Alors, en fait, on voit des horloges. Oui, effectivement. Et si on regarde bien, toutes les horloges, à peu de choses près, en tout cas certaines, sont caractéristiques de l'ouverture du film Retour vers le futur. On voit les horloges de la même manière. Et d'ailleurs, derrière les horloges, il y a une miniature, c'est une DeLorean, faisant référence directement au film. Là aussi... Je vois les horloges, tout, je dis, ça me fait penser à quelque chose. Mais c'est le subliminal, mais moi, regarder, en fait. J'étais du côté des films remontés dans les années 70. Il y a un film où le mec invente une machine et il remonte le temps. C'est un vieux film. Et moi, j'étais du côté de ce film-là. Je me dis, ça fait vieille horloge. Donc, en replay, tu peux regarder juste le début, ça suffira. Tu vois une horloge en forme de chat. Enfin, il y a différents modèles. Et en fait, ce sont la plupart des horloges de Retour vers le futur dans l'introduction. Voilà, ça, c'est aussi un easter egg un peu caché. Alors, troisième série sur laquelle je voulais aussi faire une petite remarque. Bon, ce n'est pas une série toute neuve, parce qu'il y a eu beaucoup de dérivés, c'est NCIS. Et dans NCIS, en fait, il y a une anecdote qui est méconnue. Alors, on est du côté de la série mère. C'est Jacques, mais on est sur la première, Enquête spéciale. Avec Gibbs. Celle qui est vraiment, qui a percé vraiment. Donc, en fait, cette anecdote qui a quand même méconnue, c'est que dans cette série américaine, pendant plus de 12 ans, elle a réuni à l'écran un père et son fils, sans que les téléspectateurs ne le sachent. Et ça, quand je l'ai lu, ça m'a surpris parce que je suis sûr d'avoir vu ces épisodes. En fait, le fils de Mark Harmon, donc qui jouait Gibbs, le fils s'appelle Sean Harmon et il jouait la version jeune de Gibbs. Ok. Et on ne savait pas forcément que c'était son fils à l'époque parce qu'il ne l'avait pas du tout vendu comme ça. Il ne le mettait pas spécialement en lumière. Et on l'a su qu'après. Et bizarrement, il y a eu NCIS Origin qui est venu après. Oui. Mais là, ce n'est pas son fils qui joue, c'est un autre acteur, c'est Austin Stowell qui a repris le flambeau. Mais par contre, c'est son fils qui pilote Origin. Alors oui, mais ça, je parlais de l'acting, là, du côté, côté rôle, tout à fait. Donc, il faut savoir qu'il a paru la première fois en 2008 et la dernière fois en 2020. Et il a fait 7 épisodes au total. Donc, le fils naturel de Mark Harmon, qui jouait donc sa version jeune, a apparu 8 fois. Sans qu'on le sache, voilà. C'était un petit... c'est moins fort que la DeLorean, je suis d'accord. Mais bon, voilà, c'est aussi un fait. Et je voulais terminer surtout par une série dont Laurent ne dit que du bien. Je voulais parler de Lost. Lost, qui est quand même une série nostalgique. Ah, il aura du mal de voir les références, parce qu'il a vu que... Justement. Il n'a pas été au bout de la première saison. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune référence dans ce que je vais dire. D'accord. Ah, ça a été diffusé entre 2004 et 2010, ça, c'est une vérité. Mais Lost est reconnu, en fait, pour une narration qui est donc complexe, avec des nombreux mystères. Arrête. Et la conclusion... Ceux qui sont allés au bout, en tout cas, en ont laissé beaucoup perplexes. Benoît. Oui, c'est vrai. Alors, figurez-vous qu'il y a quand même un gars qui a mis du temps, mais qui s'est dit « je vais remonter Lost à l'endroit ». parce qu'il n'y a que des flashbacks dans la série. Ouais, exact. Et il y a sur YouTube, on peut chercher, ça s'appelle Chronologically Lost, ça a été fait en 2023, et il a refait le montage de Lost dans l'ordre chronologique. Alors ça m'intéresse, c'est en VF ? Alors, c'est là où ça pêche, c'est que c'est en VO. Putain, j'aurais jamais de bol, moi, avec une série. Donc, l'anglais en playback ne marche pas. C'est un Coréen qui l'a fait, donc c'est... Non, je plaisante. En fait, non, pourquoi ça m'a marqué plus qu'autre chose, c'est que, je ne sais pas si vous aviez vu le film Memento. Ah ! Memento, en fait, c'est quelqu'un qui perd la mémoire immédiate, qui ne retient que 10 ou 15 secondes. Et le DVD, j'avais... Oh bah oui, je connais sa femme, moi. C'est Dory. Aussi, on peut le dire comme ça. Bon, dans le film, donc Memento, il y a dans le DVD, en tout cas, il faut savoir qu'il y a un bonus, parce que Memento est monté à l'envers. On part de la fin de l'histoire et on revient au début, parce qu'on ne veut pas gâcher le mystère, vu qu'il n'a pas de mémoire. Eh bien, ils avaient dans le bonus fait un montage dans l'ordre chronologique. Et c'est amusant. Je pense que l'idée est venue de là pour le YouTuber de refaire. Okay. Mais ça dure combien de temps alors ? Parce que... Alors, je crois qu'il y a 108 ou 120 vidéos en tout. Donc après, je ne dis pas qu'il y a toute la série. Comme une histoire, il a reformaté en enlevant ce qu'il n'y avait pas besoin. Exactement, enlevé le superflu. Voilà, il a remis les choses essentielles. Bah, disons que les flashbacks qu'on a à un moment donné, qui se passent avant, après, machin, oui. Bah, il a remis dans le bon ordre à certains moments. Bah, ça serait intéressant de le revoir. Alors oui, j'ai commencé à regarder. Oui, absolument. Parce que c'est vrai que la compréhension est difficile avec les retours dans le temps, etc. Mais bon, si on est fan, on est fan. Au bout de deux saisons, si on arrête, évidemment, comme Laurent, on ne peut pas. Non, mais moi, j'ai bugué à la fin, au cours de la première saison, oui. Parce que même les scénaristes, ils ont perdu pied et ils ont essayé de rattraper la mayonnaise en saison 3. Et pourtant, j'ai essayé de le pousser. Alors, des fois, ça marche, mais là, j'avoue que même moi, j'avais du mal. Donc, à un moment donné, j'ai bien compris que mes efforts seraient vains. Ben désolé. Non, mais ça existe quand même, en tout cas. Voilà, sachez dans l'ordre pour les anglophiles. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Dommage que... Même pas sous-titré en français, non ? Non, alors même si peut-être sous-titré. Avec l'IA, peut-être qu'il rajoute en généré automatiquement, oui. Rien que tel qu'un bon 24 heures chrono. Et là, au moins, on est sur des bases solides. Ah là là. Merci, Sylvain. Voilà, ce sera la dernière C'est bien, c'est bien. News. Merci. Et là, tout de suite, une nouvelle ouverture de case. Et cette fois-ci, c'est Sylvain qui s'y colle. Et donc là, si Sylvain se plante, c'est lui qui se fera enguirlander par Benoît. Mais non. Voilà, pas moi. Alors vas-y, il nous reste les cases 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Je vais prendre la 7. Oh non, je pense que je vais... Il rigole tout le temps. Tout oui, tout c'est vrai qu'il rigole tout le temps. Donc après, tu sais pas, c'est... Alors je regarde le... Alors tu as cliqué sur... L'ordi. Tu as cliqué. Est-ce qu'un jour on pourra mettre des musiques à nous dans non mais c'est une plaisanterie ou quoi là, ça fait des années que je demande qu'on m'apporte des musiques et personne m'apporte rien. Oui alors oui d'accord. Non hein alors là Benoît fais gaffe parce que je peux t'envoyer un iPhone là. Hein, Ah bah attends je récupère ça. Donc la case numéro 4. Non 7. La 7. Il essaie d'arnaquer. Comme il essaie de nous arnaquer. Non c'est la case numéro 7 mais c'est la chanson numéro 4. Parce que mettre à jour le tableau, ça me gonflait, puis comme tu veux rester sur 7, donc maintenant dans la case... Donc en fait, il a 7 numéros, mais il y a 4 chansons, c'est de l'arnaque. Mais non. Putain, on se croirait au boulot, mais là. Mais non, j'en ai 7 de chansons, ah, bon. Mais dans mon tableau numérique, je cliquais sur la case numéro 7, et ça m'a mis chanson, c'est song number 4. Donc, la chanson numéro 4, et la chanson numéro 4, mesdames, messieurs, voilà, je prends mon petit mulot... Allez. Et ça va faire plaisir à Benoît, puisque Benoît réclame souvent des pépites. Ah, j'aime beaucoup, oui, des trucs qu'on connaît pas. Des trucs qu'on connaît pas. Et là, malheureusement, c'est la triste actualité qui nous amène à ce morceau-là, si j'arrive à le trouver. Voilà, c'est ça. Et donc, nous allons entendre un thème. Ah, le générique des oiseaux se cache pour mourir. Voilà. Donc c'est l'orchestral. C'est une belle musique. Donc c'est un bon choix. C'est un bon choix. C'est bon le thème de Maggie. Très bon choix. C'est le thème de Maggie. Et après on a The Town of Bird. Mais en ouverture, c'est le thème de Maggie. Ah Maggie, pas Maggie. Attention. Tout à fait le même générique. Non, là on n'est pas du côté de Rosie Vart. Hein, on est du côté de Rachel Ward. Rachel Ward. Donc on a les deux thèmes qui s'enchaînent. Benoît voulait une pépite. Voici une pépite. Alors Benoît réclame de la pépite, mais en fait il n'en a rien à taper, il a discuté. Bah, on parlait du sujet, on parlait donc, des oiseaux se cachent pour mourir. Donc voilà, c'est ces musiques-là qui ont participé au méga succès des oiseaux se cachent pour mourir. Et on disait qu'effectivement une série aussi culte avec aussi peu d'épisodes, 4 épisodes seulement. Oui, mais 4 épisodes de combien de temps? De 117 minutes, voilà, c'est 1h30, mais ça fait quand même que 4 épisodes. Oui, mais c'était une histoire dense, prenante, triste, et ça a marqué des millions de téléspectateurs. Et surtout auréolé de je ne sais pas combien de prix. Hein. Ah oui, bah ça a été reconnu dans le monde entier, et c'est un succès mérité. Mmh. tant Richard Chamberlain et Rachel Ward étaient magnifiques. Et n'oublions pas aussi une qui est dans les premiers épisodes, Barbara Stanwyck. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais cette actrice-là, quand moi je la découvre, elle a déjà un certain âge, mais voilà, elle m'a touché. Et dans chaque prestation où je l'ai vue, mais elle avait un charisme aussi, elle, de dingue. Dans les Colby, on a Dynasty à un moment donné, et après la série dérivée, c'est les Colby de Californie. Et quand ils lancent la série dérivée de Dynasty, c'est elle qui est aussi la tête de pont aux côtés de Charlton Heston de cette série-là. Et encore une fois, elle jouait le rôle de la matriarche de la famille, et c'était une sacrée actrice. Donc le succès, certes, était dû du côté de Richard Chamberlain et de Rachel Ward par rapport à l'histoire qu'il portait, mais à un moment donné, on avait quand même parmi les seconds rôles des grands noms de l'époque, dont Barbara Stanwyck. Tout de suite, voici le rétroviseur 2.0, les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Le rétroviseur 2.0. Et je le redis pour ceux qui prennent l'émission en route, si jamais vous entendez quelqu'un tousser, c'est ma pomme. J'essaye de retenir, mais c'est compliqué. Donc, le casting de cette semaine est un peu différent par rapport à la semaine dernière. Parce qu'il y a des nouveautés. Voilà, mais on retrouve quand même certains grands noms. Alors, nous avons 5 séries dans le tableau. À vous de les remettre dans le bon ordre. Et est-ce qu'il y a 37 secondes? Alors là, ça m'étonnerait. Alors la question, j'avais le droit. Je voudrais dire une chose, oui, c'est que du côté d'Arte... Non, c'est très très rare qu'Arte soit dans le top 5. Je regarde. Hein. C'est dommage. Ça mérite. Je note tout. Hein. Arte. Non. Bon. Voici le casting. Yes. Alexandra L. Tropic Criminel. Flashback. Monsieur Parisot. Cassandre. Bon. Qui est cinquième? Merci Benoît. Je sais pas moi, alors... Moi je miserais quand même sur les rediffusions comme à chaque fois. Je dirais oui. Alexandra, elle. Oui. Oui. Bah à force, elle va bien se retrouver cinquième. À force, oui, mais oui, parce qu'elle est souvent plus haute. Et je pensais à ça, mais la semaine dernière, on s'est fait avoir. Oui, là, il y a quand même des grosses têtes d'affiche. Il y a des grosses. Allez, Alexandra, elle, on était d'accord, mais est-ce qu'on va pas encore se faire un peu avoir ce... Donc Benoît, Alexandra, elle. Oui, Sylvain, bah aussi. Alexandra, elle. Je pensais la même chose, mais tu vas voir qu'elle va encore nous. Alexandra, on va se faire avoir. Elle va se faire avoir encore. C'est pas Alexandra. Hey, tiens, c'est Cassandre qui est cinquième cette semaine. Bah, c'était une fille aussi. Ah, 3 105 000 téléspectateurs. 3 millions, ça oui, d'accord. 19,1% de part de marché. Première quand même pour France 3, qui est quatrième. Allez, on la tente là. Oui, bah oui. Quatrième, là, Alexandra, elle a fait 3 c'est millions. C'est sa place, 5. Ça peut pas être ailleurs. 3 millions 5, elle a fait à peu près Alexandra, non? Bingo, Alexandra, elle est quatrième. Ah, 3 millions 5 ? 3 445 000. Oui, tu vois, voilà. Voilà, qui est troisième. Alors après, là, il reste Tropic Criminel, Parisot et Flashback. Oui, voilà. Alors, Parisot, je sais l'audience de Parisot, parce que j'ai regardé, parce que je voulais savoir. Alors, Parisot fait moins bien que le pilote en dégringolade. Alors, le pilote a fait 4 millions 100, il a fait 3 millions 9. On ne peut pas dire non plus, il ne faut pas exagérer que ce soit... Surtout qu'après, on a TF1+, donc les 4 millions, exactement, il va les avoir. Exactement, il les aura. Donc, bravo, bravo Patrick. C'est un classement temporaire, alors. C'est basé sur le rétroviseur. C'est le classement direct live de la première fenêtre. Après, ça peut être une idée de faire un rétroviseur avec J+7. Bah, t'avais tenté à un moment donné, mais après on s'y perdait. Je crois que t'as fait essayer une fois. Ce que j'avais tenté, c'est de faire un diagramme d'audience pour les feuilletons quotidiens. Ah oui, il y avait ça aussi. Mais le problème, c'est qu'on avait, on n'avait pas, on avait, on n'avait pas, c'était une usine donc, à gaz. Pour revenir à notre classement, est-ce que Parisot est Tropic Criminel Non, je dirais Monsieur Parisot est troisième. Sylvain, je dirais pareil, parce que Tropic Criminel a toujours été premier jusqu'à maintenant. Donc on va pas le mettre troisième d'un seul coup. Ça m'étonnerait que Tropic Criminel ait fait moins que 3 millions 9. Donc mais pour vous, Monsieur Parisot est troisième. Oui, c'est sa place. J'aimerais qu'il soit plus haut, mais voilà. Non, c'est pas troisième. Il est plus haut. Il a battu Tropic Criminel. Non, c'est pas possible. Bingo! Monsieur Parizeau est bien troisième. Ah bah oui, oui, à 3 915 000 téléspectateurs. Après, il dit qu'on est long, mais il maintient un suspense. Ah oui, alors que... Qui est deuxième. Alors là, il nous reste, c'est un duel. Tropique Criminel, Flashback. Alors, si tu dis que c'est un duel, c'est que c'est un peu serré quand même, donc. Bah, il reste deux. Donc non, là, mais je parle au niveau des scores. Hein. Non, moi, non, bah, les scores, ouais, ils sont un peu serrés, mais il y a quand même une sacrée différence. D'accord. Eh ben, je pense que Flashback est deuxième. Tropique Criminel est toujours au-dessus. Okay. Oh, c'est quand même un gros morceau, je trouve, Flashback. Non, oui, non, ils l'ont cartonné. Alors, partout. Ouais, mais pas tant que ça. Je sais pas. Pas tant que ça. Non, pour moi, c'est pince. Alors, on voit Flashback à cartonner. Moi, je dis non. Moi, je suis déçu de l'audience de Flashback. Alors, tu restes sur... En deuxième, tu veux dire? Donc, en deuxième... En deuxième, moi, je mets Tropique Criminel. Okay. Je désespère donc, de l'avoir deuxième un jour. Donc, Benoît, en deuxième, tu mets Flashback et toi, tu mets Tropique Criminel. Oui, Laurent. Donc, je le redis, Benoît, Flashback est en deuxième et Sylvain dit que c'est Tropique Criminel. On a forcément qui a raison. Qu'est-ce qu'on gagne, surtout? Oui, qu'est-ce qu'on gagne? Et qui a gagné? Qui a gagné? Sylvain! Ah bon? Tropique Criminel est deuxième. Merde, je respire. À 4 100 000 téléspectateurs. Et Flashback est au top niveau. Et leader à 4 545 000 téléspectateurs. Quand même. Ça, c'est la blanquette de veau. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que c'est pas, pour un pilote, c'est pas terrible. Enfin, je trouve qu'on aurait pu s'attendre à mieux. On aurait pu s'attendre à mieux, mais les scores sont là. Bon. C'est Flashback qui est au top. Alors, ça donne Cassandre, 5e, Alexandra L, 4e, Monsieur Parizeau, 3e, Tropique Criminel, 2e, et en pole position, Flashback, la nouvelle série de TF1, 4 545 000 téléspectateurs, presque 25% de part de marché. En 6e, Meurtre à Granville a quand même bien fonctionné. 2 831 000 pour la 6e place, alors que la 5e est à 3 105 000. C'est pas trop mal. Et Grey's Anatomy est encore plus en dessous, alors. Alors, Grey's Anatomy, on prend la pelle. On est à 2 114. Oh là là, 2 millions. Comme ça, c'est du fonds de commerce. Ça. Ouais, mais c'est quand même de l'inédit. Hein. Et bah, c'est quand même de l'inédit, mais quand tu vois le commentaire, notamment de Télé Loisirs, qui te dit que, à force de tirer sur la corde, ça devient incohérent. Moi, j'ai arrêté depuis bien longtemps. J'ai regardé peut-être à l'école les 3-4 premières saisons. Donc. Voilà, donc. Là, on en est à quoi 20. Saison 20, je crois. 20, donc voilà, j'ai un peu abandonné depuis longtemps. C'est mon Lost à moi. Alors, je viens de faire une petite bourdasse. Donc, il faut que je récupère un fichier quelque part, puisque là, vu... J'ai trop de souris, là. Jean-Luc, si t'es à l'écoute, c'est possible d'avoir moins de souris. Trop de souris. Et trop de souris, tu les souris. Hein. C'est ça. Donc, il faut que je retrouve mon habillage et que je récupère mon jingle. Sinon, tu peux le chanter, hein, ça devrait aller aussi. Oui, alors là, j'ai du mal à maintenir ma voix au niveau... Au niveau de prestation, si en plus de ça, je devais chanter. Voilà, j'ai récupéré mon jingle, puisque là, on aurait dû avoir le mur des hits. Mais au vu de l'heure qui a passé trop vite, voici le Manon Série Quiz. Destination Série, le Manon Série Quiz. Bonjour et bienvenue dans le 21e épisode de la deuxième saison du Manon Série Quiz. Et je peux bel et bien vous dire que j'ai de nouveau les scores. J'ai réécouté tout, je n'ai pas de retard. Nous sommes à 25-20 pour Benoît. Et un petit plus 1 pour Sylvain qui, la semaine dernière, a marqué un point. Voilà. On va directement commencer par la première question qui est un générique. Quelle est la série? Prison Break. Paré contre sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps. Mon bas esprit est ailleurs. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi cette série. Ouais. La première, après, ça c'est un peu... La première. Ouais. Normalement, la première devait être unique. Oui, oui. Donc, c'est le problème. Après, quand tu tires sur la corde, c'est vrai. On en revient toujours sur le même sujet. Mais Laurent, je crois qu'il y a un remake, non, qui est en préparation. Oui, oui, ils vont faire un reboot. Un reboot, puisque ouais. Ce ne sera pas avec les acteurs principaux. Non, ils repartent à zéro. Et d'après ce que j'ai, si je me rappelle bien, en fait, ou alors c'était moi qui avais sorti cette connerie-là, qu'ils pourraient faire une histoire parallèle qui. Ouais, c'est vrai, non, c'était une connerie à moi. C'est un souvenir qui revient. Non, c'est totalement un reboot. J'avais lancé l'idée. Non, c'est ton reboot de Demain nous appartient que tu veux faire un reboot en prison. Rappelle-toi. C'est ça que tu veux faire, toi. Non, j'avais pensé pour Prison Break, parce qu'on trouvait que, voilà, refaire un Prison Break, c'était assez risqué. Et moi, j'avais dit que pourquoi pas faire une nouvelle histoire et d'un autre prisonnier dans la prison de la saison 1 et qu'on voit le héros de la saison 1 en arrière-plan qui réapparaît. Maintenant, avec des images numériques, c'est possible. Ah, oui. Je veux dire qu'ils t'ont piqué l'idée pour refaire la série, en reboot. Je pense pas qu'ils ont pris l'idée là, non. Mais c'est moi qui avais kiffé cette idée. Mais voilà, voici la réponse. Personnellement, cette musique de générique, je ne m'en lasse pas. Elle est vraiment très jolie. À chaque fois que j'écoute ce générique, il me reste en tête pendant 3 jours. En tout cas, c'était la série Prison Break. J'espère que vous l'avez reconnue. Personnellement, j'ai jamais regardé cette série. Faudrait que je m'y mette un jour, mais ça me repousse un peu le nombre d'épisodes. En tout cas, je pense la regarder un jour. Voilà, voilà. On passe directement à la prochaine question. Pour celle-ci, il n'y a pas de proposition de réponse, parce que je pense que vous pouvez l'avoir comme ça. La question est... Dans quelle série Richard Dean Anderson, connu pour être MacGyver, est-il un rôle principal dans les années 2000? Stargate SG-1. Je vous laisse réfléchir. Ah oui. Stargate SG-1. Forcément. Le colonel Jack O'Neill. Stargate SG-1. Et là, ils vont normalement, MGM, Amazon, doit nous faire une nouvelle série. Et ils ont éjecté le projet originel de ceux qui avaient fait toutes les séries Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Universe, qui est moins bien. Donc, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé, mais normalement, une nouvelle série Stargate doit voir le jour prochainement. J'espère que vous avez trouvé, parce que le nom est un petit peu compliqué. J'espère que vous en êtes souvenus. Petit indice de dernière minute, cette série commence par comment on appelle une étoile en anglais. Oui. Voilà. J'espère que vous avez le temps de réfléchir si vous n'avez pas encore trouvé. Cette série, elle s'appelait Stargate SG-1. Je ne sais pas comment on le dit, mais en tout cas, c'était la série dont Richard Dean Anderson était le rôle principal dans les années 2000. Mmh. Voilà, voilà, voilà. Pour la troisième question, c'est un peu spécial, enfin rien d'innovateur, mais c'est un jeu qu'on n'a pas encore fait sur le Manon Série Quiz. J'ai un peu piqué l'idée à Laurent, j'espère que tu m'excuseras, mais on va essayer de remettre dans l'ordre des séries que je vais vous donner selon le nombre de saisons que vous pensez de cette série. Donc voilà, je vais vous donner 5 séries, il va falloir les remettre dans l'ordre selon le nombre de saisons. En commençant en 1 par le nombre, la série qui a le plus de saisons, pour finir par la série qui a le moins de saisons. Enfin, que vous pensez qu'il y a le moins de saisons. Ok, les 5 propositions de réponse sont Grey's Anatomy, The Big Bang Theory, Urgence, Les Simpsons et Alerte à Malibu. Je recommence, les 5 séries sont Grey's Anatomy, The Big Bang Theory, Urgence, Les Simpsons et Alerte à Malibu. Je vous laisse réfléchir. Alors là, Les Simpsons, c'est les premiers. Voilà, c'est sûr, on en a parlé. Les Simpsons, ils vont avoir 40 saisons. Ouais. Après, j'ai un petit doute sur le nombre d'urgences. Il y a peut-être plus que 20 saisons à Urgence. Ah, c'est beaucoup quand même. Hein, ouais. Donc moi, je mettrais Urgence en 2. En 3, Grey's Anatomy, puisqu'on a dit qu'il avait 20 saisons. Et après, il nous reste... Big Bang Theory. Il y en a 12, si je ne me trompe pas. J'aurais dit une dizaine, moi. Et l'autre qui restait ? On a Grey's Anatomy, Big Bang Theory, Urgence, Les Simpsons et Alerte à Malibu. Et Alerte à Malibu. Ah. Alerte à Malibu, là, aucune idée, là. Alerte à Malibu... T'as pas eu tant que ça, hein. Après, on a eu... Il y a 10 ans. Alerte à Malibu, il y a 10 ans. Il y a un truc qui m'en revient. Les dernières saisons sont à Hawaï. Il y a 10 saisons ? C'est Alerte Hawaï. Ils ne sont plus à Malibu. C'est dans le bon ordre, alors. Donc, oui, donc oui, si on a c'est collégial, hein, les points. Les Simpsons, oui, c'est 40. Ouais, 40. Grey's Anatomy, c'est 20. Oui, mais je mettrais Urgence entre les deux parce qu'à mon avis, il y a plus de 20 saisons Urgence. Ça mais Grey's Anatomy, on est. Beaucoup, non, mais Grey's Anatomy, c'est plus. C'est combien Grey's Anatomy? C'est 20. 21. Je crois 21. 21, ouais. 21. Et tu penses qu'il y a moins de 20 saisons d'Urgence? Alert à Manibou, moi beaucoup, je dirais 10. Hein, 20. Et Big Bang Theory, ouais, alors là. C'est 12. C'est 12. Oui, à peu près ça. Et Urgence? Alors, c'est Urgence. Est-ce que c'est plus ou moins de 20? Moi, j'aurais mis, parce que Urgence, ça a duré longtemps. Mais oui, 20, c'est beaucoup. Non, c'est trop. C'est beaucoup. C'est moi, trop, je pense que Urgence, on est peut-être dans les 18, 17, 18. Ouais, oui, peut-être. Donc, ce serait troisième. Donc, ce serait. Donc, en 1, on a les Simpsons. Simpsons. En 2, on a Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. En 3, Urgence. Voilà. En 4, Big Bang Theory. Et en 5, Alerte à Malibu. C'est on ça. A tous un point. Et on c'est a ça. Tous un point, si c'est ça. Voilà, donc on y va. C'est du collégial. Compliqué cet exercice, en tout cas ça vous entraînera pour le rétroviseur. Les bonnes réponses étaient donc, c'est d'abord les Simpsons avec 36 saisons, c'est oui, énorme. 40 parce qu'on en a rajouté ensuite, 4. Grey's Anatomy avec 21 saisons, Urgence qui en a 15, ouais, The ça. Big Bang Theory qui en a 12, exact, et ouais. Alerte à Malibu qui en a 11. Merde, dans leur cas, les Simpsons, ouais, Grey's Anatomy, Urgence, The Big Bang Theory et Alerte à Malibu. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous avez bien, que j'ai bien fait travailler votre cerveau en ce vendredi. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, toujours dans Destination Série. Bon week-end, gros bisous. Bon week-end. Gros bisous. Oui, donc tu vois, et je pense que la 11e, c'est à Hawaï. Ouais, non, mais t'as raison, 11, oui, exactement. Parce qu'en France, ils avaient changé d'appellation et c'était devenu alerte Hawaï. Moi, ce que je retiens, Laurent, c'est qu'on est bon quand on est ensemble. Voilà, c'est juste ça. Le collectif, effectivement. Le collectif, ça paye. Ouais. Ouais. Parce voilà. Que là, j'aurais pu me tromper parce que j'avais dit une dizaine, Big Bang Theory. Non. J'étais à dizaine avec Alerte à Malibu. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est que ce mec, Sylvain, pour ne pas le citer, c'est pendant des années, il m'envoie des textes. On se croise à un moment donné, on se perd de vue, je reçois de nouveau des textes. Et à un moment donné, je lui dis, allez, viens. Et lui-même est étonné. Combien et là, j'ai mis combien de temps pour répondre? Ben, un certain temps. Oui, mais, moins d'une seconde, je crois. Mais n'empêche que, malgré tes doutes, franchement... Et en plus, aujourd'hui, on a eu une chronique. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. On se retrouve la semaine prochaine